Thank you. essaye de retrouver la voix dessus. Come on. très bien, c'est super Bible, j'adore. Thank you. On dirait Casimir. Oh. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Elle est super celle-là, Bill, franchement. Après, c'est un truc qui se travaille, quoi. C'est poids, poids, poids, poids. C'est, comme tu disais, c'est mélodicieux. C'est vachement bien. Une autre. BPM 135. BPM 135. Je crois que tu dois entendre mes gamins là en ce moment. Mais oui, c'est virtuose comme tu dis. Vocalement, c'est très, très, très, très technique. D'ailleurs, comme instrumentalement parlant. Ok. Comment tu m'as coupé dans mon élan? Thank you.